À tout bientôt. Vous écoutez la première, voici tout de suite Histoire vivante. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special this evening, a recording for Blue Note Records. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Tout est venu des Caraïbes, le jazz est venu des Caraïbes, le rap, la salsa, tout ça c'est venu des Caraïbes. Le jazz, c'est une musique pour danser, c'est une musique populaire. Le blues, ça serait plus la musique de l'âme. Cette semaine, la Blue Note. I want to record for Blue Note. And of course, I told him yes. D'une renaissance à l'autre. Avoir le petit logo Blue Note sur son disque, c'est pas beaucoup de musiciens de jazz qui refuseraient. Quelques histoires de jazz. The music, it's about collaboration and freedom. On est passé d'une écoute quasi audiophile de Chanifi à une écoute MP3 sur des smartphones avec des casques. Je ne suis pas du tout musicien, mais j'ai un cœur qui est sensible à ces musiques-là. Je m'appelle Laurent Sambeau et je suis disquaire et je porte un t-shirt Blue Note. Disquaire, curieux métier qu'on connaît mal, et je dirais même qu'on connaît sans doute de moins en moins, vu que, mais vous me corrigerez sans doute, Laurent Sambeau, il semble qu'il y en ait de moins en moins. Alors c'est en voie de disparition peut-être, ou de réapparition à voir, mais effectivement on est de moins en moins, c'est vrai. Alors c'est quoi ce métier-là? Comment on y arrive? Vous concernant, vous? Mon parcours, il est finalement assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait l'apprentissage dans un magasin de disques. D'accord. Donc à partir de là, je suis resté dans un magasin de disques, et je suis devenu responsable, etc. Et avant de faire cet apprentissage, quand j'avais mon argent de poche, je le dépensais uniquement pour acheter un album, donc un disque. L'objet, donc. Ouais. L'objet, et puis bah, la musique, quand même. Ouais. Mais oui, c'est un tout. Donc j'ai toujours été un amoureux du disque, en fait. On se connaît hors antenne depuis un certain temps, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ce que j'avais trouvé rudement épatant chez vous, c'est une forme de connaissance très éclectique, allant aussi bien du côté de la musique classique que du jazz dont on va parler lors de notre entretien, également de la chanson, quelle qu'elle soit. C'est vrai que quand j'ai fait cet apprentissage, on était dans un magasin de disques à Morges qui était généraliste. Bon, moi, je connaissais que le rock, mais rapidement, il y avait de la musique classique, il y avait du jazz, de la chanson française. Bon, la chanson française, je me suis toujours intéressé. Et du coup, je me suis plongé dans toutes ces musiques. Et c'est vrai que pour moi, il y a la musique. Dizzy Gillespie disait ça, il aimait bien faire les liens entre les musiques. Il voyait pas il fallait pas faire des murs entre les musiques, mais il y a toujours des liens, en fait. Et moi, j'aime ça, les liens. Entre les passerelles. Musiques. Les passerelles, ouais, tout se connecte, en fait. Donc, pour moi, peut-être à entendre ça, parce que vous conviendrez que ce point de vue-là que vous avez, il est loin d'être majoritaire. Bon, puisqu'on parle de Blue Note, on peut parler de Nougaro, par exemple, qui a d'ailleurs enregistré chez Blue Note son dernier disque, qui reprenait des thèmes que chantait Louis Armstrong, des gospels de Louis Armstrong. Et c'est vrai que la chanson Armstrong, je me souviens encore, c'était à l'école, j'avais adoré cette chanson. Et puis finalement, je me suis rendu compte des années plus tard que c'était un standard de jazz, de gospel, en fait. Voilà un lien assez simple à comprendre. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Cela fait partie des plus évidents, parce qu'effectivement, Nougaro est allé pêcher dans le répertoire. Il y a Debussy, la musique balinaise, par exemple, aussi. Donc là, c'est plus étonnant. Ah oui, en effet, vous me l'apprenez. Les Gonds Kébiar, il a été influencé par ça dans sa musique, ça s'entend à certains moments. Et la lune descend sur le temple qui fut, de Claude Debussy. Donc on peut trouver des liens un peu... Bon, dans le jazz, il y a le lien avec la musique africaine, évidemment, le blues et la musique africaine sont liés. Donc il y a toujours des liens. Rien n'est de rien du tout. Laurent Sambeau, vous êtes, vous nous l'avez dit, disquaire, mais vous avez également un magasin de disques, ce qui fait que vous pouvez expérimenter au jour le jour la profession. J'imagine d'ailleurs que c'est quelque chose qui relève de l'expérimentation, parce que c'est un métier où sans doute on en apprend tous les jours, ne serait-ce évidemment que dans la relation avec ceux qui viennent chez vous. On ne peut pas encore tout de suite qualifier de clients tant qu'ils n'ont pas acquis, mais peut-être préciserez-vous vous-même ce choix du mot client. Comment ça se passe, là, cette relation-là, dans un monde où effectivement le disque n'a plus aujourd'hui la place qu'il a eue auparavant? Disons que l'album n'a plus la place qu'il a eue, ça c'est vrai, avec le streaming. Avec les clients, ben, ce qu'il y a, c'est que dans ce métier, il faut être ouvert à chercher un peu partout, regarder la presse, regarder Internet, écouter les clients, certains clients plus que d'autres. Donc il faut être un peu à l'affût et puis suivre. On continue d'être au courant et d'être dans l'actualité. Et puis aussi dans le toujours aussi ce qui revient. Il y a des choses qui reviennent, comme le vinyle qui revient. Tout d'un coup, il faut avoir de nouveau un stock de vinyle. Quelle est votre interprétation de ce retour-là? Le vinyle, pour moi, c'est simplement un retour à quelque chose de plus lent. C'est-à-dire qu'on a une cérémonie de l'écoute musicale. C'est-à-dire qu'on prend un vinyle, on regarde sa pochette, on le sort, on le pose. On prend du temps avec ça. Et ça, c'est à l'opposé de ce qu'on vit tous les jours avec la musique, puisqu'elle est en permanence là, les gens écoutent des morceaux, dès qu'on est devant l'ordinateur, on avance dans le morceau. C'est tout ce qui n'est pas possible avec un vinyle. Bon, pour moi, c'est ça mon interprétation. Mais vous avez, pardonnez-moi de vous le dire, une relation quasi fétichiste avec cet objet, parce que quand on voit les DJ et leur vinyle manœuvrer, eux, ils sont pas du tout dans la lenteur, au contraire, ils sont dans une sorte de virtuosité digitale assez exceptionnelle qui fait que le vinyle en question, l'objet vinyle, il le manipule à très grande vitesse. Ouais, bon, pour ça, je saurais pas répondre pour eux, mais la clientèle, disons, elle veut prendre du temps pour écouter, elle va pas faire, c'est pas des DJ mes clients, mais donc, je sais pas. Bon, on va dire quand même que vous avez un magasin qui est à Genève. Vous allez d'ailleurs nous en faire les présentations. Oui, il est à la rue du Stand numéro 40. Il s'appelle ? C'est Plein Champ, disque Plein Champ. On est en collaboration avec le label classique Harmonia Mundi. Donc, on a tout le stock Harmonia Mundi. Il faut de la place pour ça ? Il y a 1000 titres, je crois, à peu près. Mm-hmm. On a 10 000 titres en tout. Donc, 1000 titres consacrés à Harmonia Mundi, plus encore des labels qu'il distribue. On a de tout. Donc, vous venez chez nous et puis vous repartez avec ce que vous avez envie d'écouter. Et votre clientèle, sa tranche d'âge? Alors, on a plutôt une clientèle, je dirais, entre 40 et 60 ans. C'est peut-être la clientèle la plus importante. Avec le vinyle, on a des jeunes qui reviennent. Et puis, il y a aussi des jeunes qui achètent des compacts disques, hein, quand même. Mais disons que c'est vrai que peut-être les clients qui ont 30 ans en voient moins, quoi, ouais. Et de prime abord, vous expliqueriez un peu le... Bon, alors, c'est un objet... C'est le rapport à l'album, moi, je dirais, parce que c'est vrai que je vois ma fille, la grande, qui a bientôt 20 ans, elle n'est pas du tout attachée à l'album. Pourtant, chez moi, il n'y a que ça. Elle pourrait, oui. Ça saute une génération, peut-être. Elle écoute au téléphone. J'ai des magnifiques enceintes, mais elle préfère écouter sur des enceintes d'une moindre qualité, pour être poli. C'est playlist, c'est la génération playlist, un peu. Mais ce n'est bon, c'est pas complètement nouveau, parce que si je réfléchis à quand j'étais ado, on était peu à acheter des albums, vraiment à prendre, à dépenser tout notre argent de poche pour ça. La plupart, ils faisaient des cassettes. On enregistrait avec la radio les titres qui nous plaisaient. On faisait aussi une sorte de playlist. C'était beaucoup plus laborieux à faire. Donc on avait une ou deux cassettes auxquelles on tenait. Mais c'est un peu la même idée quand même. Donc il y a toujours eu quand même cette idée de playlist. Mais actuellement, disons que ça prend beaucoup de place, on va dire. Laurent Sambeau, vous êtes avec nous cette semaine parce que nous faisons un entretien dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante, à voir sur la vieille et antique télévision, dimanche soir sur RTS2. C'est un documentaire, on peut dire, relativement exceptionnel dans la distribution habituelle des documentaires d'Histoire vivante qui, vous le savez, s'occupe bien plus de géopolitique et de questions contemporaines que de ce genre d'objet culturel. En l'occurrence, le documentaire sera consacré à une maison singulière, une maison de jazz, le label Blue Note. Et ouais. Sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce label Blue Note. Est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, grâce à vous, Laurence Ambeau, faire les présentations? Si on s'intéresse au jazz, on connaît le label Blue Note. C'est à mon avis impossible, sinon il y a erreur à quelque part. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est fantastique. C'est l'histoire de deux juifs allemands qui fuient l'Allemagne nazie en début des années 30, je crois 33, et qui arrivent à New York, qui découvrent de l'or partout. De l'or sur les trottoirs, mais personne ramasse. Mais qu'est-ce que c'est cet or? C'est jazz. Et ils sont deux passionnés. Ils aimaient déjà le jazz en Allemagne, donc ils avaient quelques connaissances. Et ils s'intéressent vraiment aux musiciens noirs, aux Afro-Américains, et ils les enregistrent. C'est donc l'histoire de deux passionnés qui vont enregistrer des musiciens de jazz. Ils commencent en 1939 à le faire avec Bechet, avec des boogie-woogie, avec des choses un peu mainstream. Et puis rapidement, c'est là où ça devient très intéressant, et ils s'intéressent à l'avant-garde et ils enregistrent Thelonious Monk, qui est une figure majeure de l'histoire du jazz, que personne ne voulait enregistrer à l'époque. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que le marché du disque de jazz à l'époque existe déjà, mais il est essentiellement tourné vers un jazz traditionnel, plutôt un vieux jazz. Le jazz qu'on appelle d'avant-garde n'était pas là, donc ils enregistraient Armstrong, et puis Armstrong, c'est le plus avant-gardiste de tous les musiciens de jazz, à quelque part. On écoute Armstrong en les enregistrements de 1927, c'est juste incroyable, quoi. Armstrong and his Hot Five, Savoy Blues. Il ne faut pas oublier qu'on enregistrait sur 78 tours, donc c'était des plages courtes. L'improvisation, on ne pouvait pas vraiment s'exprimer comme on voyait ça sur scène. Par rapport à Blue Note, il y a une histoire assez intéressante, c'est que quand on est passé au vinyle, c'est-à-dire une version plus longue du disque, les deux fondateurs, qui s'appellent Alfred Lion et Frank Wolf, ils ont voulu vendre. Puis en fait, on leur a donné tellement peu d'argent qu'ils se sont dit « non, on va continuer ». Eh bien, heureusement. Parce qu'en fait, pourquoi ils voulaient vendre? Parce que ça coûtait cher. Il y avait l'impression qui arrivait, il y avait des pochettes qui arrivaient. Parce qu'avant, 78 tours, c'était dans des pochettes blanches, en fait. Ça coûtait rien. Donc, tandis qu'avec l'arrivée du vinyle, pour des raisons finalement que j'ignore, l'industrie a décidé qu'il allait avoir une pochette, qu'il allait avoir de l'impression. Il fallait alerter l'œil. Sûrement, ouais, je pense qu'il y avait une histoire de marketing. Et puis, ça les a un peu refroidis. Puis finalement, comme ils n'ont pas réussi à vendre, ils se sont lancés dans cette aventure-là. Et puis, l'image Blue Note, c'est ce qui est le plus important. Si on demande à quelqu'un qui connaît Blue Note, c'est le logo, le graphisme, tout ça, c'est majeur dans l'histoire de ce label. À Berlin, je me souviens encore que j'aimais cette musique sans la comprendre. Je n'arrivais pas à la suivre, mais elle me plaisait. Frank Wolf. C'est arrivé en 1926 à Berlin, en Allemagne. Ma mère avait apporté un disque. Ce que j'ai entendu m'a impressionné. Sans savoir que c'était du jazz ou quoi que ce soit, le disque m'a beaucoup intéressé. Alfred Lion. Laurence Ambeau, disquaire à Genève. On parlait d'Alfred Lion et Frank Wolf, qui sont les deux fondateurs, qui ont donné énormément de liberté aux musiciens. Et rapidement, c'est devenu un trio avec Rudy Van Gelder, qui est l'ingénieur du son, qui a enregistré la plupart des albums Blue Note. Et rapidement, c'est devenu un quartet. Un quartet. Et c'est avec le graphiste Red Miles. Et c'est vrai que c'est à son arrivée en 1956, c'est à partir de là, je dirais, que l'image Blue Note parfaite qu'on a est là, est présente. Parce que lui, il a amené toute la touche graphique. Alors, Frank Wolf prenait des photos à chaque séance d'enregistrement. Ça, c'est incroyable, c'est génial. C'est une mémoire fantastique d'image. Donc, il prenait avec un flash. Et c'est une photo magnifique. On voit les musiciens jouer, on sent la musique. Enfin, ce qui veut dire qu'il est en dehors du studio, il passe à travers la vitre. Non, il était dans le studio. Parce que le studio, c'était... Il faut savoir qu'au début, Rudy Van Gelder, il enregistrait chez ses parents. Bon, là, je ne suis pas sûr que Frank Wolf faisait des photos, peut-être. Et puis, rapidement, il a construit son propre studio, qu'on a surnommé l'église parce que... qu'on voit dans le documentaire. Exactement. Ouais. Et sa structure architecturale faisait penser à ça un peu parce que c'était en hauteur. Et puis bah, là, en fait, on peut se balader. Clairement, il allait tout près des musiciens. Ben, les photos étaient géniales. Et le graphiste Red Miles, qui d'ailleurs s'intéressait absolument pas au jazz et revendait tous les disques qu'il recevait de Blue Note, ce qui est assez drôle, passait son temps à découper les photos de Frank Wolf, ça rendait fou, pour faire des choses graphiques géniales. Et c'est très, très moderne. C'est toujours moderne, quoi. Et ça, c'est ce quartet, ça a donné naissance à ce label génial, quoi. Alors, on peut dire également une chose, je pense, Laurence Ambeau, je ne sais pas si vous approuverez cette proposition, c'est que les querelles entre classique et moderne sont légion. Il est vrai que par le label Blue Note, comme vous l'avez indiqué, l'avant-garde va pouvoir se frayer un chemin, et qui plus est, un chemin durable, et appuyer encore un peu plus là où ça fait mal, c'est-à-dire creuser la distance avec le jazz traditionnel. Est-ce que le label Blue Note est d'abord essentiellement un label qui se tourne vers la musique qui se joue à cette époque-là? Est-ce que le label Blue Note est d'abord et essentiellement un label du jazz contemporain? Oui, je pense qu'on peut dire oui. Je pense que c'est un label qui s'est tourné vers les musiciens. C'est-à-dire qu'il était à l'écoute des musiciens. Alfred Lion, il disait vraiment... il donnait du temps aux musiciens. Par exemple, il y a une particularité, il laissait... avant les séances d'enregistrement, il y avait toujours des séances de répétition. Les autres labels proposaient pas ça. Il fallait arriver tout en place, ce qui fait que les perdre musiciens le moins de temps possible. Voilà, perdre le moins de temps possible. Donc ils jouaient plus de standards. Donc avec cette liberté là, les musiciens avec ces répétitions, ils pouvaient composer, répéter. Donc du coup, ils se tournaient vraiment vers les musiciens. Et Alfred Lion, Frank Wolf, ils étaient heureux d'entendre. Ils avaient envie d'écouter ces musiciens, en fait, ce qu'ils avaient à dire. Herbie Hancock, il donnait une anecdote assez amusante. Très jeune, il a pu faire son premier disque chez Blue Note. Et il arrive avec trois compositions. Fred Lion a écouté et puis il dit bah écoute, après je mettrai trois standards après. Et puis Fred Lion dit non, compose encore trois autres compositions. Et puis bon, voilà, c'était ça, il donnait beaucoup de place aux musiciens. Alfred Lion et Frank Wolf venaient tous deux d'Europe. C'était des amis d'enfance. Une fois, peut-être deux, ils ont fait allusion au passé, aux raisons de leur départ. Juste des remarques en passant. Ils cherchaient la liberté. Il fallait être idiot pour ne pas le voir. Rudy von Gelder. Il faut préciser également, vous nous avez glissé un nom, Laurence Ambeau, Rudy von Gelder. Alors lui, c'est un artisan majeur du label Blue Note, c'est celui qui va ciseler le son. Comment définir, une fois encore, pour ceux qui n'auraient pas encore eu ça dans l'oreille, le son Blue Note? C'est un son très naturel. Son idée, c'était d'avoir un son proche de la scène, du live, mais avec une meilleure acoustique, parce que ces musiciens jouaient dans des salles très petites, c'est compliqué, quoi. Donc, à mon avis, il a créé ce son live, mais avec une certaine aération. Mais c'est à l'opposé du label ECM, par exemple, qui est un label qui est venu plus tard. Label allemand. Allemand, qui est aussi tenu par une seule personne, Manfred Eicher. Bon, là, c'était deux personnes pour Blue Note. Donc, à l'opposé, pourquoi je dis ça que c'est à l'opposé? Parce que Manfred Eicher, son idée, c'est qu'on a la tête dans chaque instrument. Donc les disques CM, vous avez la tête dans la batterie, vous avez la tête dans le piano, vous avez la tête dans la contrebasse. Ça ne reflète pas ce qu'on entend. C'est une esthétique particulière. C'est artificiel, ouais. C'est une esthétique, ça se défend, hein, d'ailleurs les gens aiment beaucoup ça. Mais Blue Note, c'est pas ça. Blue Note, c'est plutôt d'écouter de nouveau. On se tourne vers les musiciens et on les écoute. Et on essaie de capter au mieux ce qu'ils ont à nous dire sans artifice. Comme si on était un auditeur, en fait, dans le studio. That balance good, Rob? Yeah. Extrait de Blue Note, Beyond the Note, de Sophie Hubert. Motif down more. They caught their humanity. Yeah. That's within the music and hope and freedom. Blue Note a capturé l'humanité, l'espoir et la liberté exprimée par la musique. Herbie Hancock. On suit différents portraits de musiciens, chronologiquement. Et puis l'autre particularité qu'il y a dans ce documentaire donc de Sophie Hubert, je ne sais pas comment on prononce, c'est que... Elle a laissé parler des jeunes musiciens qui font partie du label Blue Note. C'est une sorte de groupe, super groupe qui s'appelle Blue Note All Star. Et elle a profité d'un enregistrement. Elle était sur place en studio. Elle a profité d'être présente et d'interviewer ces jeunes musiciens qui donnent leur éclairage sur le label. En plus, il y avait présent lors de cet enregistrement Herbie Hancock et Wayne Shorter, et ils ont profité aussi pour le documentaire, j'imagine, c'est sur le disque en l'occurrence, de jouer Mascalero, qui est un thème de Wayne Shorter des années 60, qu'il a enregistré avec Miles Davis, pas sur Blue Note, sur Columbia. Et ils jouent ce morceau, et on a l'occasion de l'entendre. Mais que des musiciens, Laurent Sambeau, aient envie de parler du label pour lequel ils ont enregistré. Est-ce que c'est chose commune à votre connaissance ? Verve peut-être pourrait sortir ça. On parle du jazz. Il n'y a que Blue Note qui a cette aura incroyable, quoi. Tout le monde rêve d'être sur Blue Note, même si Blue Note n'est plus ce qu'il est, forcément. Avoir le petit logo Blue Note sur son disque, ça, je pense que pas beaucoup de musiciens de jazz qui refuseraient. C'est comme pour nous, disquaires. Il y a une nouvelle parution Blue Note, même si on sait que Blue Note n'est plus ce qu'il est, on va prendre pour le stock. On ne peut pas ne pas prendre une nouveauté Blue Note. C'est impossible, c'est-à-dire. C'est... Alors, le label Blue Note est à ce point important que, avant ce documentaire qu'on découvrira dimanche soir sur RTS2, Laurent Sambeau, vous m'avez parlé d'un documentaire précédent que vous avez eu l'occasion de voir et d'amener, là, qui est sous vos yeux. On pourra pas le voir, mais donnez-nous, accentuez la frustration, si j'ose dire. Regardez déjà le documentaire qui va passer, et après, si vous arrivez à le trouver, le précédent, c'est-à-dire qu'il a été fait, je crois, il y a 20 ans, à peu près. Il a évidemment une particularité, c'est qu'il y a encore des musiciens qui sont vivants il y a 20 ans, qui peuvent témoigner de Blue Note, ce qui est plus difficile aujourd'hui. Alors, il faut raconter aussi cette histoire quand même relativement intéressante, c'est que le label a un temps failli fermer la porte, ou peut-être d'ailleurs l'a réellement fermée, pour la rouvrir un peu plus tard. Alors, cette histoire d'un label qui se ferme et puis qui s'ouvre, c'est quoi ça? Bon, alors déjà, il y a une chose intéressante, c'est pourquoi il se ferme. Entre les deux documentaires, il y a une contradiction. Parce que dans le documentaire actuel, donc qu'on va pouvoir voir bientôt, la raison, c'est qu'il y a eu deux tubes, entre guillemets. Blue Note ne cherchait absolument pas à faire des tubes, comme vous l'avez compris, parce qu'ils écoutaient simplement les musiciens, mais il se trouve qu'il y avait des tubes qui sortaient quand même. C'était Song for My Father de Horace Silver, et Lee Morgan avait joué aussi The Sidewinder, qui est devenu un tube. Donc, ils sont sortis en même temps, et dans ce documentaire, on nous dit que ces deux tubes, en fait, ont créé une pression, en fait, sur le label. L'industrie musicale a fait pression pour avoir d'autres tubes, et ça aurait déplu à Alfred Lion, et qui aurait finalement quitté. Ça, c'est la version 1. La version plus ancienne, c'est... La version pure. L'autre est très belle aussi. Ah. L'autre version, c'est Jimmy Smith, qui n'est pas d'ailleurs évoqué du tout dans le documentaire de Sophie Hubert. C'est Jimmy Smith, donc l'organiste qui était chez Blue Note, que Alfred Lion avait été tombé amoureux, clairement, de ce musicien. Il était devenu fou, il a dit qu'il voulait tout vendre, qu'il voulait suivre ce musicien. Enfin, ouais, c'était vraiment... sa marotte. Et en fait, Jimmy Smith à un moment donné a quitté Blue Note. Il a signé, je crois, chez Verve, et ça aurait donné un impact négatif. Crise amoureuse. Ouais, et il aurait quitté. Donc je ne sais pas où est la vérité, mais toujours est-il, les faits, c'est qu'en 67, Alfred Lion quitte Blue Note et ne se consacre plus à la musique. Il revend, mais Frank Wolf continue de gérer. Jusqu'à sa mort en 71. Donc on pourrait dire en 1971 que le label est clairement mort, quoi. Et alors il est mis en sommeil. Il renaît en 85 ou fin 84 en grande pompe. 15 ans après, donc. Dans le documentaire, on apprend aussi que 50% du chiffre d'affaires Blue Note est fait sur le fonds de catalogue. C'est énorme. Sur ce qui a été enregistré dans les années 50-60 principalement. C'est ce qu'on appelle le fond, là, on va dire, pour Blue Note. Et qui fait repartir la locomotive ? Le problème de ces rachats de labels, c'est que... C'est pour ça que je dis que c'est plus ce qu'il était, dans la mesure où ce label, c'était deux passionnés. Tout ça n'existe plus, et ça appartient à une multinationale. Alors après, ça finit par appartenir à une multinationale. J'imagine que je ne connais pas assez bien, mais en tout cas, dans les années 80, ça appartenait à EMI, qui a fait faillite et puis qui a été revendu en partie à Universal. Donc le catalogue Blue Note a été repris par Universal il y a quelques années. D'ailleurs, chose amusante, sur notre base de données, on ne peut pas retrouver... Après ce documentaire, je me suis dit, je vais regarder combien il y a de disques chez Universal de Blue Note. Et en fait, ils n'ont pas catalogué avec le nom Blue Note. Donc, en fait, c'est écrit EMI US, et puis tout est mélangé. Donc, je ne peux pas retrouver les disques Blue Note sur la base de données Universal. Donc, on ne peut même pas dire qu'ils utilisent... pour leur propre catalogue, la richesse mythologique du label. Par à-coup, on va dire. C'est des multinationales, c'est des choses... c'est énorme ce qu'ils ont, les catalogues qu'ils ont, c'est tellement énorme que voilà, Blue Note, ça fait partie de leur trésor, on va dire, mais ni plus ni moins. Et puis après, on ne sait pas, à l'intérieur de ça, c'est opaque pour moi, à savoir, est-ce qu'il y a, il y a bien un directeur Blue Note, mais qu'est-ce qui est vraiment décidé par rapport à la multinationale Après, on a l'impression aussi qu'il y a des franchises, c'est-à-dire qu'il y a clairement des titres qui sont signés Blue Note par rapport à des pays, et puis qui ne sont pas du tout disponibles dans d'autres pays. L'exemple de Nougaro, il était chez EMI en réalité, donc du coup, on lui a peut-être dit, mais écoute, on peut te mettre le logo Blue Note, et puis il a dit, trop bien, je sais pas. Mais je pense pas qu'à New York, on trouvait la musique de Nougaro. En tout cas, ça a perdu de son identité quand même, même si l'identité est tellement forte qu'on peut pas, même diluer, il restera toujours, c'est toujours fort quand même. Alors, une supposition, je me balade du côté de la rue du Stand à Genève, et puis je vois l'enseigne Plain Chant, P-L-A-I-N. J'entre évidemment parce que je viens d'entendre des choses à la radio, puis j'essaie de trouver des disques Blue Note, c'est possible chez vous ? Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, j'en ai pas assez, il faut que j'en reprenne après ce documentaire, il faut que je prenne 500 disques Blue Note. Non, mais bien sûr, on a toujours plein de disques Blue Note. Ça, c'est, si un magasin de disques, un rayon de jazz, et il n'a pas de disques Blue Note, ça, c'est pas possible, ça, je veux dire, c'est juste pas... Il faut que je change de métier, quoi. Et au Béotien, vous lui conseillerez quoi ? Un des fers de lance du label, c'était Art Blackie, qui avait eu un rôle très important sur le label. Bon, déjà, il représentait ce qu'on appelait le mouvement Art Bop, qui représente bien le mouvement de Blue Note, c'est-à-dire un jazz qui était plus, qui était donc né au début des années 60, qui est plus chaud, qui est plus soul, qui est plus groovy. Ce titre est sorti sur Blue Note Records. Blue Note Records. Nous espérons que vous l'achèterez. Nous avons besoin d'argent. On peut prendre n'importe quel disque de Blue Note, mais il faut prendre les bonnes. Il y a des années qui sont formidables, quoi. De 1960 à 1965, 6 même, vous pouvez prendre n'importe quoi. Ce sera bien. Et puis c'est un peu. Les musiciens, c'est des formations qui bougent, mais on retrouve un peu les mêmes musiciens. Enfin, il y a une sorte de famille d'une trentaine de musiciens, et puis les configurations bougent, et c'est toujours formidable. L'âge d'or. Ouais, vraiment. Avant, il y a des choses formidables aussi, hein, avec Monk, etc. Mais disons, si on veut l'image, on aura la pochette magnifique, on aura le son de Rudy Von Gelder, on a le hard bop qui représente bien le label, et puis c'est une musique qui plaît aussi. Ça fait plaisir à écouter, genre on peut même danser dessus. Enfin, je veux dire, c'est riche, c'est beau. Et donc, ouais, donc conseiller les disques, bon, il y a Art Blackie, Aura Silver, comme je disais, le Lee Morgan, le Sad Winder, ça c'est formidable. Les disques de Wayne Shorter, Herbie Hancock, bien entendu. Herbie Hancock, c'est très très bien. Et des coffrets qui ont compilé un peu tous ces. Bon, régulièrement, c'est un peu comme les multinationales, donc régulièrement on nous sort des coffrets. J'en ai amené un d'ailleurs qui est assez farfelu, qui est plus disponible. Hein, donc c'était une sélection. Donc c'est juste pour faire envie, puis on ne l'aura pas, c'est ça? Ouais, non, je ne le conseille pas spécialement. Mais disons que c'était une sélection groove, voilà, de Hans Mantel, je ne sais pas qui c'est, mais c'est sûrement quelqu'un de très bien. Et donc qui a sélectionné des grands musiciens. Donc on trouve Dexter Gordon, Paul Chambers, Tony Williams, même des chanteuses aussi, Eliane Elias. Donc les chanteuses, en fait, c'est venu plus tard. Ça, c'est aussi un aspect intéressant du label, c'est qu'au fait, Alfred Lion et Frank Wolf n'enregistraient pas de chanteur. C'est venu beaucoup plus tard, c'est pas de leur fait. Tous les signatures vocales, c'est après. J'ai fait le constat dernièrement, il y a entre autres Cassandra Wilson qui est géniale sur le label Blue Note, enfin, c'est une des meilleures signatures Blue Note actuelles. Voilà, vocale Norah Jones. Avant, ils n'enregistraient pas de vocale en fait. Il y a peut-être des exceptions, je veux pas, sur les 500 titres, je veux pas jurer qu'il n'y a pas un vocal. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante, Laurence Ambeau. Ben merci à vous. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Jazz. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Blue Note Records. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. And a mercy beaucoup for me. Vous écoutez la première, il est 14h.